Bosco d'Ouimana. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 28 septembre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. L'administrateur communal de Rumonge impose le port de masque à partir de ce 28 septembre 2021 dans les lieux publics, tandis que celui de la commune Mawai instaure une amende comprise entre 5 000 et 50 000 francs burundais, tous pour non-respect des mesures barrières contre le coronavirus. Vous aurez les détails avec nos correspondants respectifs. Des habitants de différents villages de la commune Gihanga dans la province de Bubanza disent craindre l'imminence de la famine pour n'avoir pas cultivé pendant la saison sèche suite à la destruction du barrage hydro-agricole de Gatura. Les 80 familles de la commune Bugabira en province Kirundo se disputent des terres avec l'administration, vous l'entendrez. Et dans la chronique santé, on vous propose une deuxième partie sur les hémorroïdes. C'est toujours avec Dr Lin Habiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Les habitants des différents villages de la commune Gihanga dans la province de Bubanza se lamentent et disent qu'ils sont actuellement confrontés à la pauvreté, surtout au manque de vivres, parce qu'ils n'ont pas cultivé pendant la saison sèche suite à la destruction du barrage hydro-agricole de Gatura. Ils disent que même les prix des denrées alimentaires ont grimpé car il n'y a pas eu de production. À la Société régionale de développement de la plaine de Limbo et SRDI, l'on tranquillise en précisant que le barrage de Gatura est en train d'être réhabilité et que d'ici novembre, les cultivateurs pourront irriguer leurs champs. Pescalitas Cavagnana. Ces habitants des villages de la commune Gihanga, encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo et SRDI, se lamentent de la pauvreté et du manque de vivres en cette période où ils étaient habitués aux récoltes de la saison B. Pour cette saison sèche, ils n'ont pas cultivé. Même ceux qui l'ont fait ont été obligés de creuser des fosses afin de pouvoir y tirer de l'eau d'irrigation. Ils n'ont pas exploité leurs champs pendant la saison sèche comme d'habitude, suite à la destruction du barrage hydro-agricole de Gatura au mois de mars cette année, suite aux pluies intenses. À la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, on tranquillise et on explique que les travaux de reconstruction du barrage hydro-agricole de Gatura sont en cours et que d'ici au mois de novembre prochain, les cultivateurs pourront encore irriguer leurs champs. Félix Abonimana, directeur général à cette société, reconnaît cependant qu'ils ont perdu toute la saison B suite aux problèmes d'irrigation. Il précise que le barrage de Gatura irrigue normalement 4500 hectares du périmètre de la SRD ainsi que d'autres superficies hors périmètre. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Et environ 80 familles de la commune de Bugabira se sont accaparées des terres domaniales qui avaient été données aux rapatriés rwandais en 1959. Au moment où l'administrateur de la commune de Bugabira appelle ces familles à les remettre à l'administration, de leur côté, ces familles affirment avoir acquis ces terres de la part de l'administration provinciale de l'époque. Eric Twizerimana demande à la population de Bugabira de s'habituer à gérer leurs biens et de s'interdire de s'approprier de ceux d'autrui. Agnès Naombagadze. Comme l'indique l'administrateur de la commune Bugabira, Eric Twizerimana, les conflits fonciers sont l'un des problèmes majeurs que rencontre la population de cette commune et que les différents problèmes qui ont été traités par le conseil communal de la commune Bugabira figurent aussi ce problème de cas fonciers où l'administrateur a présenté un cas de 80 ménages qui se sont appropriés des terres domaniales s'étendant sur une superficie de plus de 150 hectares octroyés aux réfugiés rwandais vers les années 1959. Comme la même source continue à l'informer, certains Rwandais ont retourné à leur pays vers les années 1994 après avoir vendu et offert ces terres à leur connaissance. C'est ainsi que ces 80 ménages se sont appropriés des ces terres. Mais certains parmi ces 80 ménages indiquent que ces terres les appartiennent, arguant qu'ils les ont acquis de la part de l'administration de cette époque. Jean-Claude Barutwanayo, représentant de la commission chargée de la protection des biens et propriétés de la commune, indique que ces cas ont été traités par cette commission et que parmi ces ménages, ceux qui présenteront des documents qui prouvent que ces terres les appartiennent, ils pourront les garder d'office. L'administrateur de la commune Bugabira Twizerimana demande à la population de Bugabira de s'habituer à gérer l'air bien et qu'il est strictement interdit de s'approprier des terres qui ne les appartiennent pas. De Kirundo, Agnès Nahumagadze pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h, 1 minute à Bujumbura. L'agence de promotion des investissements API compte digitaliser la création et l'enregistrement des sociétés, affirme le directeur général de cette agence. Exprimant sur la suspension des rapports Doing Business pour les années 2018 et 2020 suite aux irrégularités constatées par la Banque mondiale, Désiré Moucharitse explique que les réformes économiques amorcées visent la promotion du climat des affaires au Burundi. Dans ce classement Doing Business, si je me rappelle bien, c'est le classement Doing Business de 2019 et classé le Burundi en termes de création des sociétés à la première place au niveau de l'Afrique subsaharienne. Vous comprenez que c'est une réforme qui a permis à ce que le Burundi puisse avoir une place dans le Doing Business. Mais cela ne suffit pas, il y a d'autres réformes qu'il faudrait mettre en œuvre. Et nous pensons que même si ces rapports ont été suspendus, le Burundi va continuer à travailler sur les 11 indicateurs, même plus, pour améliorer le climat des affaires au Burundi, pour que, justement, les investisseurs qui sont ici déjà travaillent à l'aise. Qu'est-ce que, dans l'immédiat, l'API va faire comme priorité pour améliorer pratiquement ce climat des affaires au Burundi? Par rapport, justement, à la création des sociétés, et nous sommes en train de monter un projet pour l'enregistrement en ligne des sociétés, pour permettre à ce que quelqu'un qui est en Chine, qui est en Inde, qui est aux États-Unis, en Europe, à Gitega, en Ngozi, à Muyinga, puisse enregistrer son entreprise en ligne, que sa présence physique ne soit pas un frein. C'est une réforme donc qui va permettre à ce qu'il y ait plus de sociétés, plus d'investisseurs, et donc nous allons les faciliter la tâche. Désiré Moucharitse, directeur général de l'agence de promotion des investissements API au micro de Mireille Kanyangé. Vous saurez que ces rapports de Doing Business classaient respectivement le Burundi à la 164e et 166e place sur 190 économies. Ouverture ce mardi de la 9e Assemblée Générale de la plateforme des autorités des pays des Grands Lacs à Gitega. Cette Assemblée Générale est tenue sous le thème « Ville, entrepreneuriat et innovation ». Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement local, Gervindira Kobucha, dans son discours, a fait savoir que ce thème cadre avec la mission du gouvernement burundais qui a fait de la jeunesse le centre de l'entrepreneuriat et l'innovation. Différents entrepreneurs et experts du Burundi et ceux venus de la RDC et du Rwanda vont exposer sur les potentialités de développement de leur ville. Et vous saurez que cette Assemblée Générale sera clôturée ce jeudi. Les commerçants et les entrepreneurs vivant à Muyinga sont confrontés au manque de devises. Ils l'ont déclaré à la ministre du Commerce ce lundi lors d'une réunion qu'elle a organisée à leur intention au chef-lieu de cette province. La ministre Capitoline Nionizigie leur recommande d'accroître la production et promet de leur chercher des marchés d'écoulement à l'étranger, ce qui augmentera les recettes en devises. Pierre Claver, Barundi, depuis Muyinga. Un des problèmes majeurs auxquels font face les commerçants et entrepreneurs de Muyinga est le manque criant de devises. Ils l'ont annoncé ce lundi à la ministre Capitoline Nionizigie, ayant le commerce dans ses attributions, dans une réunion organisée à leur intention au chef-lieu de Muyinga. Selon eux, ceux qui importent des marchandises obtiennent des devises par voie frauduleuse, car en banque, on ne leur donne que 1000 dollars au plus. Aussi demandent-ils la réouverture des bureaux de change, ne fût-ce que pour le shilling tanzanien, dont la valeur ne cesse de croître. 100 shillings équivalent aujourd'hui à 175 francs burundais. Conséquence, le prix des marchandises augmente et les clients se lamentent. La ministre Nionizigie recommande aux commerçants et entrepreneurs, surtout les jeunes, de se grouper en coopérative afin d'avoir un surplus à vendre à l'étranger. De cette façon, ils auront les devises facilement. Elle promet que le ministère cherchera des marchés d'écoulement et dispensera des formations à ceux qui le souhaiteraient. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Isanganiro. La plupart des passagers à bord des bus de transport en commun respectent la mesure du port de masque. Dans l'une des voitures qui a fait objet d'investigation le matin de ce mardi, entre 10h15 et 11h, sur 18 passagers à bord de cette voiture, un seul ne portait pas le masque. Néanmoins, parmi ceux qui se munissent des masques, certains ne les mettent convenablement que lorsqu'ils s'approchent des postes policiers. Aubin Niyongour. À 2h15, nous sommes dans un bus de transport en commun du centre-ville de Bujumbura. On se rend au quartier de Gasegni, dans la zone de Guiocha. Les passagers entrent un à un. Aussitôt assis, la plupart songent déjà à mettre les masques. Sur 18 passagers qui embarquent à 10h20, un seul ne porte pas le masque. Pour deux autres passagers, les masques ont été descendus au front. Au moment du départ, certains passagers échangent entre eux. Ils disent craindre l'amende instaurée par l'autorité municipale de 100 000 francs pour quiconque ne portera pas le masque dans des rassemblements. 10h25, à l'approche du poste policier au pont Nahangwa Nord, le convoyeur ne manque pas de rappeler aux passagers de bien monter leur masque. Même certains des policiers qui assurent le contrôle ne portaient pas les masques. Et après avoir dépassé les policiers, certains des passagers descendent leurs masques. Dans un autre bus effectuant le trajet Kamenge-Centreville, le port de masque est respecté par la majorité d'entre eux. Mais tout comme dans le premier, une minorité soit n'en dispose pas, soit n'en porte pas convenablement. C'était un reportage d'Aubin Niyonguru à bord d'un minibus faisant le transport en commun en centre-ville de Gasegni. C'est au nord de la ville de Bujumbura. Le port de masque qui est désormais obligatoire à partir de ce 28 septembre 2021 à Rumonge pour avoir accès aux lieux publics comme les marchés, les églises et les mosquées. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, qui a pris cette mesure, explique que cela s'inscrit dans la logique de lutte contre la propagation du Covid-19. En ligne de Rumonge, notre correspondant Jean-Pierre Misako. Dans un communiqué rendu public ce lundi par Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, la première mesure prise est d'exiger dès ce 28 septembre 2021 le port de masque à tous les commerçants et aux consommateurs fréquentant le marché central de Rumonge. La deuxième mesure de ce communiqué met en garde tout contrevenant qui sera puni comme celui s'étant rebellé à la loi. La troisième mesure de son communiqué étant le champ d'application sur tous les marchés de la commune Rumonge, toutes les églises et toutes les mosquées se trouvant dans cette commune. Au marché central de Rumonge, où nous sommes passés ce 28 septembre 2021, à part le lavage des mains à l'eau propre et au savon qui n'est même pas observé à 100%, il fallait de gros efforts d'observation pour apercevoir au moins une personne fréquentant son marché avec masque. Ceux qui se sont exprimés disent ne pas être au courant de cette mesure. De son côté, Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, dit que 5 jours sont suffisants pour vulgariser cette mesure et après, des sanctions seront prises aux contrevenants. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et une amende allant de 5 000 à 50 000 francs burundais sera infligée à toute personne enfreignant les règles d'hygiène liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Là, on est en commune de Mabaye. L'administrateur de cette commune indique qu'il en a décidé ainsi pour faire face à la propagation de cette maladie, surtout au chef-lieu de sa commune. Alexis Ndayiragidje. Les personnes qui sont attrapées en train de se saluer avec les mains ou bien s'embrasser, celles qui partageront un chalumeau ou une bouteille, en prenant du vin de banane ou bien de la bière, en coiffure sans masque, seront infligées d'une amende de 5 000 francs pour. Cette amende de 5 000 francs pour sera également infligée en passagers sans masque. Les des bistrots qui vont animer de la musique à leurs clients vont payer l'amende de 20 000 francs pour. Dans cette commune de Mabaye, les projections de films sont suspendues. Les récalcitrants de cette mesure également vont payer une amende de 20 000 francs pour. Les propriétaires des bistrots, des pharmacies, des centres de santé, des bouteilles qui ne disponiseront pas d'un seau d'eau avec du savon pour le lavage des mains vont payer une amende de 20 000 francs pour. Des chauffeurs survolants sans masque, les personnes testées positives au COVID-19 qui vont continuer à se promener en public seront infligées d'une amende de 50 000 francs pour. L'administrateur de la commune Mabayi, Nicodème Ndabonyimana, indique qu'il a pris cette mesure pour protéger sa population contre le COVID-19. C'est au moment où le chef-lieu de cette commune continue à enregistrer des personnes testées positives au COVID-19. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije, les 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. Parlons maintenant diplomatie. Le Kenya compte redynamiser sa coopération bilatérale avec le Burundi. Propos de l'ambassadeur kenyan ce mardi après une audience à la primature. Ambassadeur Daniel Wayisiko Ambura trouve qu'il faut mettre en application des conventions bilatérales qui existent entre les deux pays. Écoutez-les, il est traduit en français par Arthur Kavaouchi. C'était un entretien très fructueux où nous avons évoqué la redynamisation de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, le développement, le commerce, le tourisme, ainsi que la diplomatie. À côté de cela, il y a le renforcement de l'intégration bilatérale entre les Burundais et les Kenyans. Nous avons également échangé sur la coopération entre le Burundi et le Kenya, comme ces deux pays appartiennent à la communauté est-africaine ainsi qu'à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations unies. Nous avons enfin échangé sur la coopération entre le Burundi et le Kenya, ainsi que le suivi de la mise en application des conventions signées et explorées d'autres domaines de coopération et signer des accords sur les conventions relatives à ces domaines. C'était l'ambassadeur du Kenya au Burundi dont les propos ont été recueillis par Arthur Kavaouchi. Vous saurez que le Premier ministre burundais a également reçu en audience l'ambassadeur de France au Burundi. D'après le porte-parole du Premier ministre après cette audience, l'ambassadeur Stéphane Gunberg au Burundi a déclaré que son pays va continuer à appuyer le Burundi dans les domaines de l'éducation et la santé. Carlin Guillaume Ounioni lui a demandé de faire le plaidoyer pour que des investisseurs étrangers viennent investir au Burundi. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres au début de ce journal, nous vous proposons une deuxième partie sur les hémorroïdes qui peuvent survenir à n'importe quel âge, mais le pic de fréquence se situe entre 45 et 65 ans. Le chirurgien Lan Habimana conseille aux gens de se faire consulter dès que se manifestent les premiers signes, la chirurgie pouvant s'avérer nécessaire en cas de complications. Yvette Nijimbere. Boire suffisamment d'eau, augmenter graduellement la quantité de fibres dans son alimentation, s'agit des meilleures préventions possibles des hémorroïdes. Le chirurgien Lan Habimana précise que cela peut contribuer dans le traitement de cette maladie. Les conseils à type hygiéno-diététique, donc c'est des gens qui très souvent peut-être ne boivent pas suffisamment d'eau, donc il est conseillé de boire de l'eau, de prendre un régime alimentaire qui est riche en fibres, et puis il faut boire beaucoup d'eau et il faut faire une activité physique. Il faut aller à la selle dès qu'on sent le besoin d'aller à la selle. Donc des fois, si on a déjà cette hémorroïde, de laver très bien la région anale. Bon, ne pas, par exemple, c'est mieux d'utiliser une compresse imbibée d'eau pour laver. Il y a des papiers hygiéniques qui sont parfumés, il faut les éviter. Et des fois, il faut éviter les sous-vêtements en fibres synthétiques parce que peuvent devenir aussi irritants. Le coït anal peut aussi être à l'origine des hémorroïdes, explique le chirurgien Lan Habimana. Le coït anal qu'on voit surtout chez les homosexuels, le coït anal peut être à l'origine de la pathologie hémorroïdaire. Dans quel sens? Ça veut dire que l'intromission de la verge au niveau anal va favoriser, disons, un relâchement du sphincter. Et quand il y a relâchement du sphincter, il peut y avoir prolapsus de plusieurs choses, prolapsus même rectal, prolapsus hémorroïdaire. Des médicaments peuvent calmer les démangeaisons en cas de complications. Le chirurgien Lan Habimana propose une intervention chirurgicale. On peut aussi faire un traitement médical. Il y a des topiques, donc des produits qu'on peut appliquer au niveau des hémorroïdes. Et aussi, il y a des médicaments qui sont des vénotoniques. Mais aussi arriver à un moment où il faut faire de la chirurgie. Donc, soit pour les hémorroïdes internes, on peut faire des ligatures élastiques, bien des traitements dans les pays développés par ce qu'on appelle le laser ou radiofréquence. Alors, on peut être amené à faire une évacuation du thrombus. Donc, le thrombus, c'est le caillot de sang qui est dans l'hémorroïde. Ou bien carrément faire des hémorroïdectomies. Le chirurgien Habimana conseille les gens à se faire consulter au moment d'apparition des signes cliniques. Merci Yvette, merci docteur Alain pour ces éclairages sur les hémorroïdes pour nous séparer. En bref, en actualité africaine, la charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution guinéenne a été dévoilée ce lundi soir. Elle détermine le cadre juridique de la période de transition dont la durée n'a toujours pas été fixée. Mais on connaît désormais les organes qui seront mis en place et les règles qui les régissent. Mais une mesure attire toute l'attention. Toutes les personnes participant à la transition seront interdites de candidature aux prochaines élections nationales et locales, à commencer par le meneur des putschistes et actuel chef de l'État, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya. Une disposition n'étant susceptible d'aucune révision, souligne le texte. Et comme promis par le CNRD, les membres du gouvernement et les responsables d'institutions en vigueur sous le régime du président déchu Alpha Condé sont exclus de la transition, dont la durée sera fixée par le CNT et les forces vives de la nation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nduimana, je dis merci à François Akimana pour la mise en onde. Un très bon après-midi.